Et tes amours, Jacques? Tu es installé dans un château, et la vieille commissionnaire a ordonné à sa jeune fille Denise de te visiter 4 fois par jour et te soigner. Mais avant d'aller en avant, dis-moi, Denise, avait-elle son pucelage? Jacques, en toussant, je le crois. Et toi, le mien, il y avait beau jour qu'il courait les champs. Tu n'en étais donc pas à tes premières amours. Pourquoi donc? C'est qu'on aime celle à qui on le donne, comme on est aimé de celle à qui on le ravit. Quelquefois oui, quelquefois non. Et comment perdis-tu ton pucelage? Je ne le perdis pas. Je le troquai, bel et bien. Dis-moi un mot de ce troc-là. Ce sera le premier chapitre de Saint-Luc, une kyrielle de génoïte. Il engendra, à ne plus finir, depuis la première jusqu'à Denise la dernière. Qui crut la voir et qui ne l'eut point? Et avant Denise, les deux voisines de notre chaumière. Qui crurent la voir et qui ne l'eurent point? Non. Manquer un pucelage à deux, cela n'est pas trop adroit. Tenez, mon maître, je devine, au coin de votre lèvre droite qui se relève, et à votre narine gauche qui se crispe, qu'il vaut autant que je fasse la chose de bonne grâce que d'en être prié. D'autant que je sens augmenter mon mal de gorge, que la suite de mes amours sera longue, et que je n'ai guère de courage que pour un ou deux petits comptes. Mais tu fus déniaisé, je gage, par quelque vieil impudique de ton village. Ne gagez pas, vous perdriez. Ce fut par la servante de ton curé. Ne gagez pas, vous perdriez encore. Ce fut donc par sa nièce. Sa nièce, crevée d'humeur et de dévotion, deux qualités qui vont fort bien ensemble, mais qui ne me vont pas. Et il était écrit là-haut que tu rencontrerais dans une taverne quelqu'une de ces créatures obligeantes, que tu t'enivrerais. J'étais à jeun, et ce qui était écrit là-haut, c'est qu'à l'heure qu'il est, vous vous épuiseriez en fausses conjectures, et que vous gagneriez un défaut dont vous m'avez corrigé, la fureur de deviner, et toujours de travers. Tel que vous me voyez, monsieur, j'ai été une fois baptisé. Si tu te proposes d'entamer la perte de ton pucelage, au sortir des fonds baptismaux, nous ne serons pas si tôt. J'ai donc un parrain et une marraine. Maître Bigre, le plus fameux charron du village, avait un fils. Bigre le père fut mon parrain, et Bigre le fils était mon ami. À l'âge de 18 à 19 ans, nous nous amourachâmes tous les deux à la fois d'une petite couturière, appelée Justine. Elle ne passait pas pour autrement cruelle, mais elle jugea à propos de se signaler par un premier dédain, et son choix tomba sur moi. Voilà une de ces bizarreries des femmes, Jacques, auxquelles on ne comprend rien. Tout le logement du charron Maître Bigre, mon parrain, consistait en une boutique et une soupente. Son lit était au fond de la boutique. Bigre le fils, mon ami, couchait sur la soupente, à laquelle on grimpait par une petite échelle, placée à peu près à égale distance du lit de son père et de la porte de la boutique. Lorsque Bigre, mon parrain, était bien endormi, Bigre, mon ami, ouvrait doucement la porte et Justine montait à la soupente par la petite échelle. Le lendemain, dès la pointe du jour, avant que Bigre, le père, fût éveillé, Bigre, le fils, descendait de la soupente, rouvrait la porte et Justine s'évadait comme elle était entrée.